Madame. Bonjour, monsieur. Je voudrais une formule petit déjeuner, s'il vous plaît. Avec un café, un thé, un chocolat. Un café crème, s'il vous plaît. Et une orange pressée ou un citron pressé? Une orange pressée. Et voici le petit déjeuner. Le croissant, la tartine, le café crème et l'orange pressée. Merci, monsieur. Je voudrais aussi un verre d'eau, s'il vous plaît. Bien sûr, madame.